ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour Trésors en poche d'Anne Brassier, dirigé aujourd'hui par Benoît Moncheron, assisté de Véronique. Diffusés en direct jeudi 21 août 2014 de 10h45 à 11h45. Ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h, vendredi de 6h à 7h, samedi de 19h à 20h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour sont réalisés par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers amis auditeurs, bonjour. Véronique est à mes côtés pour cette avant-dernière émission du mois d'août. Bonjour Benoît et bonjour chers auditeurs. Alors, un invité aujourd'hui un peu particulier, puisqu'il s'agit de Dominique Tassot, qui est déjà venu à cette antenne, mais qu'on n'entend pas suffisamment sur cette antenne. Dominique Tassot, bonjour. Bonjour Benoît, et bonjour à tous. Alors, vous êtes connu de nos auditeurs pour avoir écrit des ouvrages essentiellement consacrés à la question de l'évolutionnisme. Oui, parce que les deux ouvrages, enfin l'ouvrage le plus récent que j'ai fait sur ce sujet, mais au fond l'évolution n'est qu'une, d'ailleurs n'est qu'une fausse question, puisque n'est qu'un des aspects d'un paysage beaucoup plus vaste dans lequel il y a opposition apparente entre la science et la foi, et dans lequel la science fait autorité sur n'importe quoi. Et je pense que si ce qu'il y a peut-être de particulier dans mon approche, c'est cette idée qu'il faut relativiser l'autorité que les scientifiques... je ne dis pas que les scientifiques se sont attribués cette autorité, je dis que ce sont les médias qui dotent un certain nombre de scientifiques d'une autorité dont notre société a besoin pour fonctionner. Effectivement, puisqu'on constate que vos œuvres se partagent un petit peu en deux catégories. Il y a les œuvres qui traitent effectivement, je disais de la question de l'évolution, mais vous vous intéressez beaucoup à la préhistoire et surtout, finalement, à l'histoire du monde, vue à travers les écritures et vue à travers les sciences. Oui, c'est vrai que l'ouvrage le plus important que j'ai écrit... À l'image de Dieu, préhistoire transformiste ou préhistoire biblique. Mmh. C'est un livre qui avait eu un certain succès. Oui, d'ailleurs il se vend toujours, mais même récemment un Suédois vient de l'acheter. Alors que c'est un livre qui a plus de 20 ans. Donc c'est toujours sympathique. Alors la Bible au risque de la science, là on s'approche un petit peu du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Mmh. Qu'est-ce qui différencie la Bible au risque de la science, dont vous avez parlé sur cette antenne, de Galilée au Père Lagrange, du livre que vous venez de sortir, La revanche du lièvre, ou de la portée scientifique de l'écriture? Oui, alors, bon, ça n'est pas du tout le même volume. La Bible au risque de la science est un assez gros livre, donc il faut un peu de patience et de temps devant soi pour le lire. Ça n'est pas une synthèse. Et c'est un livre d'histoire des idées. Finalement, on retrace un petit peu cette dialectique de la science et de la révélation. Autrement dit, ce que les hommes de science ont pensé de la Bible, entre Galilée et le Père Lagrange, c'est-à-dire au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Avec l'idée qu'au XVIIe siècle, c'est un petit peu les questions de physique qui sont dominantes. Au XVIIIe, c'est les questions de biologie qui sont dominantes. C'est là où on se pose des questions sur l'hérédité, etc. Et puis on commence à... Le microscope, si vous voulez, change complètement notre vision des êtres vivants, parce que la complexité apparaît. Et puis au XIXe, on a la question biblique, c'est-à-dire c'est le moment où les exégètes veulent devenir des scientifiques et croient qu'ils le deviendront en imitant la méthode des sciences dures. Et c'est là, je pense, où il y a eu un... Enfin, à mon avis, une erreur d'aiguillage. C'est-à-dire, c'est le moment où l'exégèse s'est séparée de la lecture que faisaient les pères de l'Église de l'Écriture. Oui. Donc, ça veut dire une sorte de séparation entre théologie et exégèse. Alors, ça ne s'est pas fait partout, si vous voulez. Chez les orthodoxes, justement, l'étude des pères de l'Église est restée, je dirais, presque la base de la théologie. Oui. Mais évidemment, en Occident, avec l'importance de la théologie philosophique, de la scolastique, oui. La somme théologique, bon, qui sont évidemment des éléments essentiels pour l'intellect chrétien. Oui. Parce que si on veut... Pour l'éducation de l'intelligence. Si on veut avoir une vision du monde... La discipline de l'intelligence. Une vision du monde chrétienne, il faut évidemment avoir un intellect chrétien. Et je pense que les apports de saint Thomas sur ce plan-là sont indispensables. D'ailleurs, à un moment donné, dans le petit livre, là, je fais une citation de Pie XII. Qui a attiré l'attention de quelqu'un qui était directeur des recherches des pétroles d'Aquitaine, qui connaît bien, si vous voulez, la science, mais qui c'est à milieu d'imaginer que dans un discours s'adressant aux physiciens, évidemment, Pie XII ait pu avoir une opinion pertinente et dans laquelle, en particulier, il signalait que les difficultés qu'on a, en particulier en ce qui concerne la nature de la lumière, vous savez, la lumière qui est corpuscule ou qui est onde, et puis les deux approches ne convergent pas, donc on tire de son chapeau l'une ou l'autre selon le cas qu'on veut traiter. Et Pie XII remarque que ça se comprend très bien par la scolastique avec les notions de substance et d'accident. Et que donc le même corps peut oui. accidentellement se présenter de deux façons différentes. Alors c'est un bon exemple qui montre que une formation philosophique pourrait et devrait être utile aux scientifiques, mais malheureusement ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et je dirais, ça n'est presque plus le cas. C'est-à-dire que la dérive commence au XVIIe. Vous dites que la nécessité d'une tradition intellectuelle s'impose à tous. Aristote lui-même, dont le père était médecin, a sans doute beaucoup plus mis en forme didactique qu'inventé. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, vu le volume de ce que Aristote a publié, c'est forcément évident. Et je dirais, alors il y avait, mais je l'ai pas mis là, mais il y a aussi l'idée que les Grecs ont emprunté aux Égyptiens. Oui. Ah, vous l'avez dit. On commence aujourd'hui à discerner la dette de la pensée grecque envers l'Égypte, longtemps méconnue. Et peut-être l'Égypte a-t-elle hérité autant et plus qu'elle n'a produit. Plus loin encore, à travers Noé, bien des savoirs fondamentaux peuvent remonter jusqu'à Adam, dont la science infuse n'a pas été entièrement oblitérée par la chute. Voilà, donc il y a cette idée que la tradition... Alors, évidemment, le mot de tradition est très utilisé en matière de connaissances religieuses. Mais l'humanité, pendant très très longtemps, a fonctionné avec une tradition dans tous les domaines de la connaissance. Alors, le livre en question, dont Véronique va nous rappeler le titre... Alors, il s'agit de « La revanche du lièvre » ou « De la portée scientifique de l'écriture ». Et c'est donc un livre de Dominique Tasso, et les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent donc le trouver dans toutes les grandes... Enfin, dans toutes les bonnes librairies. Les bonnes librairies, voilà. Toutes les grandes, toutes les bonnes librairies. Alors, pourquoi justement un livre sur ce qu'on a appelé l'inhérence biblique ? D'abord, est-ce que vous pouvez nous définir en quoi consiste ce que l'Église, puisque c'est l'Église qui a inventé ce mot ? Oui, absolument. Hein, l'inhérence biblique. C'est un terme théologique. Bon, inhérence, l'étymologie est claire, c'est ce qui ne comporte pas d'errance, c'est-à-dire d'erreur. Autrement dit, ça veut dire que la Bible est vraie et elle est véridique en toutes ses affirmations. Alors, c'est là où la question est posée aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de gens, oui. la Bible dit vrai en matière de science, de foi et de mœurs. Hein, donc il y a cette distinction qui oui. remonte au Concile de Trente, d'ailleurs, entre les questions de foi et de mœurs et les voilà. questions scientifiques et historiques. Et donc l'infaillibilité pontificale, par exemple, a été définie en matière de foi et de mœurs, mais pas en matière scientifique et historique. Et alors on s'imagine que parce que cette distinction a sa valeur et a sa portée, en particulier dans la définition du dogme de l'infaillibilité pontificale, elle s'applique partout. Et depuis maintenant un peu plus d'un siècle... Là, il est reçu par beaucoup de gens, et je pense que c'est ce qu'on enseigne dans les séminaires, hein, depuis, à mon avis, avant la guerre de 40. Hein. Oui. Alors, quand date le basculement, si vous voulez, je n'en ai pas fait une étude détaillée, ça serait d'ailleurs très intéressant. Hein. Mais il est certain qu'aujourd'hui, on veut bien que la Bible soit vraie dans les questions de voie de mœurs, mais en matière de science et d'histoire, évidemment, il faut interroger les scientifiques, c'est de leur ressort. C'est un petit peu on a une séparation des domaines, on a le pourquoi et le comment. Alors la science vous explique le comment et oui, puis le pourquoi. Oui, qui ne connaît le slogan de Galilée, la Bible ne nous dit pas comment on va au ciel, mais comment on va au ciel. Voilà, donc c'est une boutade qui est très bien trouvée d'ailleurs, mais qui ne... Pour autant comporte-t-elle des inexactitudes historiques ou scientifiques, par-delà les questions de foi et de mœurs. Qui est hors sujet. Vous répondez par rapport non. à la question, oui. Est-ce qu'un livre inspiré par celui qui a créé l'univers peut se tromper en ce qui concerne la science ou l'histoire? Et c'est pas moi qui réponds. Non, ça n'est pas vous qui répondez, vous avez raison. Oui. Alors, c'est d'une part, la tradition oui. patristique, c'est Jésus-Christ d'ailleurs. Vous avez ce passage de l'Évangile, si vous ne me croyez pas concernant les choses de la terre, comment croirez-vous oui. concernant les choses du ciel oui. Et ça, c'est un argument constant aujourd'hui, si vous voulez. Les gens qui, évidemment, eux, débarquent dans le domaine de la foi ou de la vision biblique du monde, etc., comment vont-ils pouvoir prendre au sérieux les affirmations concernant la survie de l'âme, des affirmations invérifiables concernant l'Immaculée Conception ? On va passer en revue absolument, évidemment, ces aspects-là de la foi, bon... ces vérités dogmatiques, mais vous passez en revue dans votre livre, d'une manière passionnante, justement, toutes ces vérités de la science qui se trouvaient déjà établies, enfin affirmées dans la Bible, avant qu'elles ne soient véritablement découvertes à travers des lois, à travers des... Voilà, c'est ça. C'est plutôt la quatrième oui. partie où, oui. justement, je développe ce qui, évidemment, cette pertinence scientifique de l'écriture. Bon, le mot est un petit peu savant, mais ça veut dire que, évidemment, la Bible n'est pas un manuel de science. On ne va pas apprendre aux gens que donc le scarabée... Donc, de ce point de vue-là, vous ne tombez pas dans le fondamentalisme. Vous savez, on vous colle une étiquette de fondamentaliste dès que vous dites que la Bible ne se trompe pas. Enfin, vous avez déjà entendu cela. Oui, les étiquettes sont une manière commode pour se débarrasser des gens sans avoir à leur répondre. Certains évangéliques et évangélistes américains, justement, se font accuser de fondamentalisme, d'être fondamentaliste. Américain ou pas américain, ou pas forcément évangélique d'ailleurs. Oui. Non, ce qui est vrai, c'est qu'un certain nombre d'évangéliques revendiquent le nom de créationniste. Ah, ou au début du XXe siècle, il y a eu des gens qui revendiquaient l'appellation fondamentaliste et ils avaient énoncé liste de 26 articles oui. de foi fondamentaux qu'ils partageaient. Mais ça n'était pas d'ailleurs spécifiquement des articles liés à la véracité de l'écriture. Ah, d'accord. Mais disons, le fondamentalisme a existé. Et puis, maintenant, c'est une étiquette infamante dont on sert sans savoir quel est le sens étymologique. Hein, mais effectivement, inhérence négative, inhérence positive. Est-ce que vous voulez dire un mot de cela avant qu'on parle de ce qu'ont pu dire les papes au sujet de cette inhérence? Oui, c'est-à-dire l'inhérence négative. Bon, c'est cette idée qu'on a dans un discours de Pie XII aux étudiants de la Sorbonne en 1953. Où il disait « Soyez convaincus qu'entre des vérités de foi certaines et des faits scientifiques établis, il ne peut pas y avoir de contradiction. » Mais là, chaque mot porte, si vous laissez, entre les vérités de foi et les faits scientifiques. Mais qu'entre des vérités de foi ou des éléments qu'on trouve dans l'écriture et des théories scientifiques ou des affirmations scientifiques, il puisse y avoir contradiction, ça c'est inévitable, c'est normal. Et saint Augustin, s'en préoccupait déjà, et il a écrit un livre très très épais d'ailleurs, qui s'appelle La Genèse à la lettre, qui est un gros livre. dans laquelle... Alors, ce qui est amusant, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui se servent de saint Augustin pour expliquer que le sens littéral ne compte pas et qu'il faut... Oui. En fait, ce qui compte, c'est le sens spirituel. Mais alors là, dedans, vous établissez que c'est pas du tout sa pensée, ça. Mais, c'est-à-dire, je vois pas comment quelqu'un qui ne s'intéresse pas au sens littéral, qui n'a pas compris l'importance et la valeur du sens littéral, va prendre un livre de 300 pages aujourd'hui. C'est un très gros livre, la Genèse au sens littéral, qui est un commentaire verset par verset et presque mot à mot des premiers chapitres de la Genèse. De l'ensemble de la Genèse, mais c'est évidemment les premiers chapitres qui sont les plus pertinents sur le plan de la confrontation avec le... Alors il y a quelque chose que vous reprenez d'une manière tout au long de votre livre, et Dieu sait si vous ne l'aimez pas, cette expression, c'est « vision scientifique du monde ». Effectivement. Pour vous, cette espèce de... Je ne vais pas dire le mot en allemand, parce que ça va faire remarquer, on a le droit de parler. L'allemand est autorisé à ce micro. Cette vision du monde, pour vous, c'est, disons que c'est le péché originel, en quelque sorte, cette vision de la Renaissance. Qui a voulu séparer ce que Dieu unissait. De la Renaissance, je n'irai pas jusque-là. Non, je dis que c'est le péché actuel de l'intellect. Aussi bien d'ailleurs chez les chrétiens que chez les athées, c'est-à-dire que on a une vision du monde qui est dictée par des éléments scientifiques, des théories scientifiques, c'est-à-dire qu'on a une réduction de notre perception de ce qui se passe, qui est liée à la connaissance qu'ont les scientifiques. Autrement dit, quand on veut savoir ce qui est vrai, on interroge Monsieur Coppens ou Monsieur... c'est une vision réductrice pour toutes sortes de raisons, mais en particulier parce que cette science, c'est en fait la science héritée du siècle des Lumières, et c'est une science qui s'est constituée non pas seulement en dehors de la révélation, mais contre la révélation. En concurrence, voire en opposition. En opposition. Si vous voulez, chez les encyclopédistes, c'était une opposition. Vous citez Voltaire, d'ailleurs. Vous dites que Voltaire s'est précipité pour aller envoyer quelques trublions, aller examiner s'il n'y avait pas des traces déluge au-dessus des montagnes. Enfin, c'était pas dans les Alpes, chez les journaliers. Dans les Alpes, dans Saint-Gothard. Voltaire habitait en Suisse, à Ferney. Il pouvait dire qu'il n'y avait pas eu de déluge. Mais, parce que soi-disant qu'ils n'ont pas trouvé de sédiments. Enfin, ce qui est faux. Et on trouve des sédiments. Quand on paye des gens pour ne pas trouver, ils ne trouvent pas. Mais il s'en sert comme argument. Ça, c'est dans le dictionnaire philosophique de Voltaire, il y a un article coquille. Alors c'est là où on voit que justement, eux ont une vision du monde dans lequel la science a un rôle essentiel à jouer. Et ce rôle, parce que quel est le rôle de l'article coquille dans un dictionnaire philosophique? Ce rôle est de démontrer que le déluge n'a pas eu lieu, donc que la Bible se trompe, donc c'est la raison humaine qui est maîtresse de la vérité. Donc ce point particulier, il est toujours vrai. Et en plus de ça, ça dénote non seulement c'est une manipulation évidemment, puisque les scientifiques ont établi qu'il y avait des sédiments sur les plus hautes montagnes, mais vous dites qu'en plus ils sont ignorants, parce que la question par exemple de la rotondité de la Terre, vous dites que l'orbe du monde, c'est l'Ancien Testament. C'est connu de tout temps. C'est dans l'Ancien Testament. Non, c'est pas ça. La théorie de la Terre plate, c'est une invention contre l'Église. Mais il n'y a jamais de... L'Antiquité ne... non seulement l'Antiquité savait que la Terre était ronde, mais les géographes de l'Antiquité... Alors là, il y a un livre tout à fait passionnant qui s'appelle les cartes des anciens rois des mers, de Charles Hapgood, aux éditions du Rocher. Alors je ne sais pas s'il est encore disponible, mais c'est un livre vraiment très important, parce que pendant plusieurs années, Hapgood a envoyé ses étudiants recopier les portulans, c'est les vieilles cartes, dans toutes les bibliothèques d'Europe. Et après, parce que souvent, quand on regarde les portulans, on se dit ça ressemble pas, donc ils s'amusent à faire des petits dessins pour faire beau, etc. Puisque nous savons quelle est la forme des continents, puisque avec la méthode Mercator, on a un certain tracé. Et pendant plusieurs années, on a mis sur ordinateur tous ces profils, etc. Et la conclusion, c'est qu'il y a eu, à une époque de l'Antiquité, alors que Hapgood ne désigne pas, il dit que il dit simplement que c'est à l'époque glaciaire. Bon, oui. Pour une raison, enfin, qu'à cette époque, l'Arctique est... vous savez que sous le Groenland, il y a trois îles. Mais nous, nous ne voyons qu'un bloc de glace. Et dans les Portulans, on voit les trois îles. Donc, ça veut dire que le pôle, enfin, la glace était ailleurs à ce moment-là. Donc, mais ce qui est important, c'est que la difficulté pour Descartes, si vous voulez, c'est qu'on a il faut mettre sur un plan quelque chose qui est courbé. Donc, ça n'est juste que là où on touche, là où le plan touche la sphère, et puis oui. L'erreur. C'est... Donc, on est obligé d'avoir plusieurs points où ça se touche. Évidemment. Et le système des Portulans, enfin, d'un grand nombre de Portulans, c'est un système dans lequel, d'une part, pratiquement tous les continents voient leur contour représenté. On a pu déterminer les points de contact. Ces points de contact sont au nombre de 9. Ils sont situés sur un cercle dont le centre est Alexandrie. Mais ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que nous, on a des parallèles et des méridiens qui sont qui sont des droites, si on veut. Oui. Dans le système des Portulans, ce sont des courbes. Donc, ça suppose qu'ils faisaient de la trigonométrie sphérique. Donc, ça nous donne une image de l'Antiquité qui oui. ne colle pas du tout, si vous voulez, non seulement avec l'évolutionnisme, mais même avec ce qu'on... Et alors, Abgood fait une hypothèse intéressante, seulement qui touche la bibliothèque d'Alexandrie. Il dit, quand on a... C'est plus sérieux que le matin des magiciens. Oui. Hein. Quand on a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, oui. quelles que soient les raisons pour lesquelles on l'a brûlée, il y a beaucoup d'écrits scientifiques qui ont disparu. Et quand on s'est réintéressé aux manuscrits anciens, ceux qui s'intéressaient, c'était les clercs ou l'aristocratie. Donc on s'est intéressé à ce qui concernait la littérature, l'art ou la religion. Mais tout ce qui concernait la science, il n'y avait personne pour s'y intéresser. Et on a certainement, de la sorte, laissé tomber une grande partie du savoir des anciens. Mais qui était certainement une sorte de déperdition. On voit que même sur le plan chirurgical, les Égyptiens faisaient des lobotomies, des extractions oui. dentaires, etc. Donc, c'était des gens aussi intelligents que nous. Vous écoutez Radio Courtoisie. Benoît Mancheron remplace ce matin Anne Brassier. Et notre invité est Dominique Tassot, qui nous parle de la portée scientifique de l'écriture dans un ouvrage intitulé « La revanche du lièvre ». Alors, vous pourrez peut-être nous dire d'où vient ce titre un petit peu bizarre. Effectivement, La revanche du lièvre, c'est un lièvre qui est mentionné dans, vous en parlez très abondamment dans le livre du Lévitique. Lévitique 6:11, et il est dit que le lièvre est un ruminant. Et, disons, pendant plusieurs siècles, on a considéré que le ruminant, c'était un animal dont la digestion se faisait comme celle de la vache, c'est-à-dire oui. qu'on a une prédigestion, le bol alimentaire remonte par l'œsophage et redescend pour aller vers les intestins et être évacué. Et le lièvre n'a pas le même estomac que la vache, donc on a dit, c'est frappant, la Bible se trompe, c'est oui. anatomiquement... et donc, la question n'a évolué qu'au XXe siècle, pour deux raisons. D'une part, on s'est mis à faire des observations nocturnes, parce que déjà, il y a un vétérinaire à la fin du XIXe qui avait observé que le lièvre, de nuit, va récupérer par la bouche, à l'anus, des petites boules noires qui n'ont rien à voir avec les crottes, et qu'on appelle les sécotrophes, et qui sont fabriqués dans le cécum, qui est donc un appendice de l'estomac du lièvre. Et aujourd'hui, évidemment, tout ça a été étudié à fond, et on ne peut pas douter que le lièvre soit un ruminant. Simplement, la remontée du bol alimentaire est externe au lieu d'être oui. interne. Oui. Et elle se fait de nuit, si bien qu'on ne s'en était pas aperçu pendant longtemps. Mais dans la Bible, c'est la revanche du lièvre, c'est simplement l'idée que des affirmations qui avaient été considérées comme le prototype de l'erreur qu'on trouve dans la Bible, en réalité, sont les preuves qu'à l'époque, on parlait de choses qu'on ne connaissait pas. Donc on jugeait de la rumination par l'anatomie, alors qu'il faut juger de la rumination par la biochimie. Alors, vous pourriez nous donner d'autres exemples, parce qu'il y a beaucoup d'autres exemples, non pas d'erreurs de la Bible, mais au contraire, de, on peut dire que la révélation a précédé c'est parfois ça, oui, certaines... Et c'est un petit peu comme le linceul de Turin, si vous voulez, où c'est la photographie qui a révélé la qualité de l'image. Oui. Là, il y a un exemple qui, moi, me frappe beaucoup, c'est celui des eaux. Alors, c'est que les eaux n'ont pas de rôle, enfin, ont un rôle visible qui est un rôle mécanique. Hein, ça sert à soutenir les muscles. Bon. Mais dans la Bible, on parle souvent des eaux comme étant en lien avec la maladie. Mes eaux se rongent. Enfin, alors, quel peut être le lien entre les eaux et la maladie? Alors, ça, aujourd'hui, tout étudiant en médecine le sait, c'est parce que la moelle osseuse abrite l'endroit où le système immunitaire fabrique énormément de substances immunocompétentes, en particulier les leucocytes, les globules blancs. Donc quand il y a une attaque infectieuse, l'organisme se met en branle et il y a une agitation dans les os, c'est exactement le terme de la Bible, agité, mes os s'agitent. Oui. Je suis malade, mes os s'agitent. Oui. Alors évidemment, ils ne remuent pas, ils ne vibrent pas. Non. Mais c'est une agitation biochimique avec fabrication de lymphocytes. Alors ça, c'est le premier point, c'est que ce lien entre les os et la santé qui est fait dans la Bible, en particulier dans les psaumes, a été donc redécouvert avec le système immunitaire au XXe siècle. Mais ça va beaucoup plus loin. Les os dans la Bible sont aussi... lié à l'identité personnelle. C'est-à-dire que quand Adam voit Ève, il dit « Ah, voilà les os de mes os ». Oui. Donc il y a cette importance des os comme facteur d'identité. Et même par rapport à Jésus-Christ, puisqu'ils ont compté tous mes os. Ça renvoie effectivement à l'identité. Voilà, l'homme est non pas seulement ce qu'il mange, mais il est ce qu'il y a dans ses os. Et ça, on ne le sait que depuis les années 1950. D'ailleurs, Jean Dausset a eu le prix Nobel en 1980 pour sa découverte du système HLA, Human Leukocyte Antigen. C'est le système qui individualise chaque personne. Ah. Et c'est pour ça que les greffes sont si compliquées à opérer. Oui. C'est parce que, en mais principe... Ça n'a rien à voir avec l'ADN ? Ça n'a... Non. C'est spécifique aux os. Non, c'est le système HLA et se trouve dans toutes les cellules. Ah, d'accord. Donc, d'accord. Mais... Donc, la particularité, c'est qu'il n'y a pas deux êtres, y compris des jumeaux, qui ont le même système HLA. Et le... c'est effectivement dans les os, dans la moelle osseuse, que le système immunitaire fonctionne. Oui. Pour la reconnaissance du soi et du non-soi fonctionne à partir également de la moelle osseuse. Alors, l'idole faite de main d'homme n'est plus aujourd'hui une Vénus ou un Baphomet, c'est une production des intelligences, c'est cette vision scientifique du monde qui n'est pas elle-même une science, la connaissance méthodique d'un objet réel, mais une fabrication à partir d'éléments tirés des sciences, une simple représentation. Sa nature religieuse se trahit à ceci qu'elle aboutit effectivement à remplacer le vrai Dieu dans les esprits, ou plus précisément à le chasser du monde objectif considéré comme seul réel. Pourra subsister un certain sentiment religieux, mais ce n'est plus Dieu de la révélation biblique. Mais ce n'est plus au Dieu de la révélation biblique qu'il s'adresse, même si, moyennant toutes sortes de précautions de lecture, on se servira encore du livre pour l'évoquer ou le rencontrer. Alors, ne lui est plus rendue la juste gloire qui lui est due, et le châtiment de cette injustice en découle aussitôt. Et vous citez l'Épître aux Romains. Oui. C'est évidemment le... Une longue citation rejoint ce qu'on disait sur la vision scientifique du monde, c'est-à-dire que les gens croient savoir. Il y a une formule d'Hippocrate que j'aime beaucoup, c'est savoir c'est la science, croire savoir c'est l'ignorance. Donc on a une ignorance savante qui est le fait de ceux qui assimilent le réel à ce qu'ils connaissent. Alors, il y a une question. Oui, nous avons une question d'un auditeur. Personnellement, je suis chrétien, mais je ne crois pas que nous sommes les seuls dans l'univers. Avec le nombre de planètes dans l'univers, il serait étonnant qu'il n'y en ait pas au moins une habitée. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est Kant était prêt à parier toute sa fortune qu'il y avait effectivement des planètes habitées. Et il utilisait aussi l'argument probabiliste, hein, en disant... c'est pour ça, d'ailleurs, c'est à l'époque qu'on a utilisé... Enfin, on a inventé les Martiens, les habitants de la Lune, etc. Alors, évidemment, depuis le XVIIe siècle et le XVIIIe, notre connaissance de la spécificité de la Terre a changé. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la vie n'est possible... Ce qui rend la vie possible... Hein, alors, qu'il y ait dans l'univers des êtres spirituels, ça fait partie justement de la révélation. C'est-à-dire que Dieu a créé les corps et les esprits, donc les anges, et il y en a peut-être beaucoup. Et il y en a peut-être. Différentes sortes. Alors, on sait qu'il y en a qui grouillent sur Terre, plus à certains endroits qu'à d'autres. Il y en a peut-être aussi qui habitent les corps célestes, d'autant que... Alors, certains qui président à l'ordre certains de l'univers. Ont des des missions liées à la au fonctionnement à la régularité des orbites, etc. Et moi, il y a un phénomène qui me frappe beaucoup, c'est vous avez le cas des lemmings. Oui. Certaines années, donc les lemmings se précipitent en masse, ils sont trop nombreux, ils se précipitent en masse vers la mer, etc. Et je suis convaincu que animal n'a pas une âme spirituelle au sens où nous en avons une, nous, mais je pense que chaque espèce a un ange prédisposé qui gère le fonctionnement de cette espèce. Oui. Parce qu'on ne peut pas expliquer certains comportements animaux autrement. Ce ne sont pas des mécaniques. Hein. Oui, et puis quand ça joue sur tout un ensemble. Oui, il y a une forme d'âme. Il y a un esprit. Les moutons ont un esprit grégaire. C'est frappant, c'est réel. C'est bien un esprit. Enfin, c'est quelque chose qu'on. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on ne doit pas expliquer par des réflexes. Par la stricte biologie. Alors, vous insistez sur le fait qu'être chrétien, être croyant, enfin, faire sien la révélation. Finalement, ouvre des perspectives d'intelligence nouvelles aux scientifiques. Et vous citez tout un tas des statistiques faites en 1915 qui sont très intéressantes sur les savants du siècle précédent. Et statistiques portant sur, 432 noms. Sur les 432 personnes... 367 sont croyants. Ouais, alors c'est les statistiques qui ont été faites par le Père Émieux, et c'est très intéressant parce que c'est un travail gigantesque, hein. D'une part, de faire cette classification, alors ça a été fait discipline par discipline, de prendre les grands noms dans la discipline, et d'arriver à déterminer leurs convictions religieuses. Ce qui est peut-être plus facile à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous lisez la littérature savante, il est pratiquement impossible de savoir quelles sont les conditions religieuses de ceux qui signent. Je pense que lui était plus proche de ces personnes. Les salons existaient à l'époque. Enfin, je pense qu'il y a une forme d'information qu'il a pu recueillir. Bon, puis son étude est limitée à l'Europe, qui était à l'époque le centre de la science. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est le siècle de l'irréligion. C'est le siècle de l'anticléricalisme, enfin qui a débouché sur l'anticléricalisme. C'est le siècle où il y a eu des attaques contre la religion et des attaques qui ont atteint les hommes beaucoup plus que les femmes. C'est le siècle du scientiste. Bien sûr. Oui. Et on s'aperçoit que sur les 450 quelques savants de premier rang, il y en a 96% qui sont des chrétiens. Ça veut dire que les grands savants sont beaucoup plus religieux que la moyenne. Donc c'est exactement le contraire du discours idéologique qu'on tenait à l'époque, la science ne pourra se développer que si on la met à l'écart de la foi. Et l'exemple étant d'ailleurs celui de Branly, vous savez que si à l'Institut catholique on peut visiter le laboratoire de Branly, mais Branly a dû se battre pour installer son laboratoire. Lui était sorti major de Normal Sup pour installer son laboratoire à la Cato, parce que c'était on ne voulait absolument pas qu'il y ait quelque lien visible que ce soit entre le mot science et le mot institut catholique. Et alors, ce qui est le plus intéressant dans la statistique des mieux, c'est qu'il y a les 450 grands noms de la science. Puis à l'intérieur de ces grands noms, il y a les vrais inventeurs. Enfin, ceux qui ont... Il y a quand même des degrés, si vous voulez. Effectivement, il y a des degrés. C'est un petit peu comme... La découverte de Maury... Comme le prix Nobel aujourd'hui distingue des gens qui, dans leur... ont effectivement, en général, une qualité d'excellence dans leur domaine très précis. Bon. Ben vous allez très loin. Vous dites le rôle inspirateur de l'écriture se mue parfois en rôle motivateur. Mais alors, dans les statistiques des mieux, on voit que sur les 120 ou 125 savants de premier rang à l'intérieur des grands savants du XIXe siècle, on a non plus 92% mais 96% de chrétiens. Et qui ont fait donc des découvertes fondamentales immédiatement utiles. Et en sachant que dans la statistique, il y a toujours plusieurs pourcents dont on n'a pas réussi à déterminer leurs convictions. Donc c'est des pourcentages très très élevés. Et ça montre bien que la production scientifique, scientifique et technique, parce que si vous voulez, des gens comme Branly a inventé la télécommande, c'est pas de la science théorique. Alors c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les inventions d'Ampère, de Branly ou des frères Lumière... Elles s'incarnent. Ce sont des inventions immédiatement productives. Donc il y a le concept, il y a l'idée... Mais il y a aussi l'application, et ça n'est plus vrai, si vous voulez, au XXe siècle. On voit des grandes théories abstraites, très mathématisées, dont même 50 ans après, on se demande ce qu'elles peuvent apporter de pratique. Donc on voit bien que la science, alors elle s'apporte de la célébrité à ceux qui se font les promoteurs et les auteurs de ces théories, etc., mais les résultats pratiques ne suivent pas. Tandis que dans la science du XIXe siècle, et pour moi c'est justement parce que cette science a été élaborée par des gens qui participaient de la vision biblique du monde, c'est-à-dire pour lesquels l'univers avait un sens, pour lesquels tout avait été conçu par une intelligence. La gloire de Dieu demande que l'homme fasse remonter vers son auteur les merveilles qu'il découvre dans le monde créé par un acte libre et intelligent. C'est un acte d'humilité, finalement. Effectivement, il faut être à l'écoute du Créateur, puisque c'est lui qui sait le mieux comment les choses ont été faites. Et Véronique était très impressionnée par le nombre d'exemples que vous donnez de ces scientifiques et du contexte. Alors, il y a le cas de Maury et Père, des frères Lumière, de Branly, vous venez d'en parler, etc. Mais non, le mot humilité. C'est une qualité qu'avait Newton, dont nous avons parlé juste avant l'émission. L'humilité, c'est pas forcément de l'humilité. C'est-à-dire qu'il attendait pour publier d'avoir découvert la loi du microcosme, qu'il n'a jamais découvert d'ailleurs. Donc s'il n'y avait pas eu les circonstances particulières et le fait que Halley, l'astronome, ait convaincu Newton de publier les Principia, c'est quand même Halley qui a dû corriger les épreuves et payer l'imprimeur. Ça montre bien à quel point Newton n'était pas motivé par les Principia. Pour moi, c'est pas du... Alors, que Newton était... lui, il est tout à fait conscient de l'intelligence divine créateur de l'univers. Donc, Newton est complètement dans la vision biblique du monde. Mais je pense qu'en même temps, pour des raisons religieuses, Newton était arien. Il était socinien, très exactement. Il ne croyait pas à la divinité de Jésus-Christ. Oui, et donc il a beaucoup travaillé l'écriture pour essayer de montrer que le juge de l'Apocalypse n'était pas Jésus-Christ, par exemple. Il a fait beaucoup d'alchimie. Il y a 4000 pages d'alchimie dans les manuscrits de Newton. Oui. Parce que justement, ce qui l'intéressait, c'était le microcosme, et il ne voulait publier que quand il aurait trouvé les deux. Donc je dirais que Newton était quelqu'un de pénétré de la grandeur de Dieu. Vous êtes en train de dire à Véronique qu'il n'était pas du tout humble. oui et non, c'est-à-dire qu'il ne faut, il faudrait pas qualifier l'humilité de Newton de la même façon qu'on a tendance à la qualifier aujourd'hui. Alors c'est vrai que Newton, par exemple, frappait ses contemporains par la lenteur avec laquelle il faisait le signe de croix. Mais en même temps, c'est le premier universitaire en Angleterre, et il est resté pendant longtemps, qui ait pu enseigner sans être ordonné, sans être tonsuré. Et que, d'ailleurs, encore aujourd'hui, les chaires de Oxford et Cambridge, les mariés, les gens mariés doivent quitter leur chaire. En tout cas, vous exécutez Newton. Parce que c'est considéré comme incompatible. En donnant une caution savante au mécanisme réduisant l'univers à une horloge, en interprétant les miracles comme des phénomènes rarissimes mais naturels, en niant l'agissement permanent de Dieu dans cette grande horloge du monde, car l'enchaînement déterministe des mouvements des corps y pourvoirait, en ne lui laissant qu'un lointain statut de créateur in principio, le déiste Newton créa le tremplin indispensable à l'émergence d'une vision athée du monde, d'un cadre de représentation dans lequel intellectuels et hommes politiques allaient pouvoir travailler en paix, débarrassés de l'encombrante tutelle d'un dieu omniprésent, lisant dans les cœurs, faisant tomber la pluie et capable de détrôner les rois. Oui, c'est-à-dire que les Principia de Newton ont eu une influence politique gigantesque. C'est, vous savez que le Marat, par exemple, le bon docteur Marat, oui. est le traducteur de l'optique de Newton en français. Alors, traduire en français, à l'époque, ça voulait dire permettre la lecture par tout le monde. Ah bah oui. Et les Principia étaient en latin. Mais pour Voltaire, il était absolument essentiel que les Principia fussent traduits en français pour être répandus. Je ne dis pas pour être lus, parce que personne n'a jamais lu les Principia. C'est à ce point qu'il y a une dizaine d'années, il y a un étudiant anglais qui a fait son master de physique sur les erreurs de calcul qu'il y a dans les Principia, ce qui veut dire que depuis trois siècles, personne ne les a lus la plume à la main. Mais la marquise du Châtelet, qui était la maîtresse de Voltaire, a traduit en français les Principia Newton. Alors je ne sais pas si ça prend du temps. Ah, donc il faut une motivation très forte. Et la motivation de la marquise du Châtelet n'était pas une motivation scientifique. Donc ça montre bien que les Principia font partie de ces œuvres qui jouent un rôle très important dans l'histoire des idées, mais que personne ne lit parce que c'est illisible. Mais ça n'a pas d'importance. Même Huygens, qui était pourtant un grand scientifique, contemporain Newton, a avoué qu'il n'avait jamais lu les Principia. Oui. Vous pourriez nous parler de ce que dit par exemple la Genèse, de ce qu'a pu nous dire la Genèse sur les origines du monde, qui s'est avérée. Alors, plus exactement, ce que je voudrais dire, parce que. Par découverte de la science. C'est que la science. Les lois de la science sont des lois que nous reconstituons à partir de ce que nous observons. Donc les lois du monde que donne la science sont les lois du monde telles qu'il est aujourd'hui. Or, il n'est tel qu'il est aujourd'hui que complet. Et vous savez, c'est l'effet papillon, on sait que quand une espèce végétale disparaît, des espèces animales peuvent disparaître, etc. Donc tout est lié, le rayonnement cosmique a une influence. Bon. Donc l'univers est un tout, et cet univers complètement réalisé, il est qualifié de tel uniquement à la fin du sixième jour de la Genèse. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé avant cette réalisation complète de l'univers, donc avant le septième jour, est inaccessible à la science. Oui. Donc ce qui est aujourd'hui, ridicule si vous voulez, au sens propre, c'est-à-dire que c'est la grenouille qui se fait plus grosse que le bœuf, c'est que les gens veulent extrapoler vers le passé, vers les origines, les lois de fonctionnement de quelque chose. Mais c'est comme si vous avez la Joconde, le tableau de la Joconde, les lois de fonctionnement de la Joconde, même les lois de la peinture de la Joconde, bon, c'est les lois des lois mécaniques de déformation des pinceaux, les lois chimiques des pigments, etc. Si on veut expliquer l'origine de la Joconde, c'est l'idée de Léonard de Vinci devant Mona Lisa. Enfin, je veux dire, ce qui explique l'origine de quelque chose n'est pas de même nature que ce qui explique le fonctionnement de la chose. Ce qui explique le fonctionnement d'une voiture, les lois d'adhérence des pneus, de la mécanique, etc., ça n'a rien à voir avec les décisions de construire une voiture. Donc il y a une prétention, à mon avis, erronée de la science à vouloir reconstituer les origines. Or, on a par contre sur les origines un récit qui est le récit de la Genèse. La Genèse, ça veut dire commencement. Bien sûr. Seulement, dans la vision biblique du monde, on voit que ce commencement c'est Dieu qui agit. Le Verbe créateur. C'est Dieu qui agit. Oui. Tandis que c'est la cause première qui agit. Oui. Et les causes secondes peuvent être présentes, mais ce ne sont pas les causes secondes qui créent. Or, la science n'est science que des causes secondes, oui. La science moderne. Donc, l'idée que l'on puisse remonter à la création, donc inventer des théories comme le Big Bang, par exemple, oui. Qui prétendent donner une version laïque des origines, ou un peu comme la théorie de l'évolution, qui prétend donner une version laïque des origines, c'est une idée qui va au-delà de ce que la science peut faire. C'est tout à fait hors de portée. Oui, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire en matière de description des espèces, etc., n'a rien à voir avec l'origine des espèces. Et la preuve, par exemple, c'est que ce qu'on appelle la macroévolution n'a jamais été constatée. Et ne sera jamais constatée, parce que c'est impossible. On ne peut pas passer, en changeant quelques lettres, de l'Encyclopédia Britannica à, je ne sais pas moi, l'œuvre de Shakespeare. Enfin, c'est... Donc il y a une prétention, si vous voulez, à vouloir reconstituer les origines à partir de la science moderne, qui est erronée. Et donc vous dites qu'est-ce que la Bible peut nous enseigner les origines? Ben justement, elle peut nous enseigner les origines. Et ce qu'elle nous enseigne les origines, c'est que Dieu a créé. Mais comment Dieu a créé? C'est hors de portée de la science. Okay. Alors on peut lire avec intérêt. Alors il y a, si vous voulez, dites qu'il y a l'inspiration, le surgissement soudain. Il y a des sortes d'intuitions qui font qu'on parfois on entre quand même dans ces mystères. Vous voulez dire l'intuition du savant? Oui. Oui. Elle entre dans les mystères de ce. Il est certain. Alors de ça, cet c'est, ordre. Je donne une citation de Maury qui est intéressante. Il dit mais quand je découvre une loi. Alors Maury est l'inventeur de l'océanographie et c'est un des fondateurs aussi de la météorologie. Oui. C'est lui qui a persuadé, alors en 1854, à ce qu'on établisse des stations météorologiques sur le continent. Parce que lui, il était officier de marine. Alors évidemment, dans les ports, il y avait déjà des observateurs, des stations météo. Mais les nuages ne s'arrêtent pas au bord de la mer. Et il a. Donc Maury est un personnage un peu méconnu d'ailleurs aujourd'hui, mais qui a joué un rôle scientifique très important. Et. Lui était tout à fait conscient du caractère unique de la Terre, mais il dit ce qui permet de comprendre le fonctionnement. Alors il dit effectivement quand je découvre une loi, je tremble parce que je sens que j'ai rejoint une des pensées du Créateur. Oui, c'est ça. Et ce tremblement du savant, d'ailleurs, c'est pas propre à Maury. Hein, ça se retrouve dans d'autres traditions. C'est vrai, traditions. C'est extraordinaire. Regardez, quand vous dites comment on a découvert la molécule du benzène. C'est un rêve, en fait. C'est pendant un rêve, la nuit. Oui. Donc là, effectivement, l'esprit souffle où il veut. Oui. Et il est certain que l'invention, la vraie invention scientifique ou littéraire, d'ailleurs, relève de l'inspiration. Et là, c'est un domaine mystérieux qui a tout... Alors, qui ne pose aucune difficulté de compréhension dans la vision biblique du monde, puisque justement, il y a un inspirateur tout désigné qui est le Saint-Esprit. Enfin, il n'y a pas que lui, d'ailleurs, comme inspirateur possible. Il y a aussi le mauvais esprit. Mais on comprend ce qui a pu se passer. On a des mots pour le dire, alors que dans la vision scientifique du monde, on n'en parle pas. Parce que c'est ça, si vous voulez, qui est dramatique. C'est que dans la vision scientifique du monde, comme on ne comprend rien, on ne prend rien à rien, donc on ne peut... Voilà, il y a énormément de faits qu'on occulte parce que ça n'entre pas dans le cadre... En philologie. Regardez, vous prenez l'exemple du déterminant et du déterminé. Le déterminant qui précède le déterminé. Mmh. Vous savez, vous expliquez que si on croyait en Babel, on comprendrait ce qui s'est passé. Le langage unique initial a explosé. Voilà, on ne veut jamais reconnaître qu'il y a pu avoir un accident, si j'ose dire, avec la manière dont Dieu a semé le. C'est ça, on veut qu'il y ait continuité dans l'évolution des langues, comme continuité dans l'évolution des espèces, mais évidemment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et là, la Bible donne une explication. Alors, qui n'était pas une explication scientifique, mais qui permet de comprendre que ça a été possible. C'est extraordinaire ce que vous avez trouvé là. Tandis que le déterminant et du déterminé. Oui, vous savez que le déterminant qui est devenu déterminé. Oui, c'était Wagon-Lit et Schlaff-Wagon. Voilà, Schlaff-Wagon. Bon, donc, on a Schlaff-Wagon, c'est l'idée de dormir qui est avant Voilà. Le déterminé. Bon. Oui. Et si on. Et en français, c'est l'inverse. Oui, et on ne peut pas imaginer qu'il y ait eu un état de langue dans lequel on était à cheval sur les deux, si vous voulez. Et on ne peut pas... parce que là, les neurones ne fonctionnent plus. Si on a besoin il faut qu'il y ait des règles. C'est pour ça que la grammaire est si importante. Parce que c'est au fond la grammaire qui fait la langue. Oui, vous dites que c'est par la grammaire qu'on peut arriver justement à remonter peut-être à quelque chose langage. Voilà, parce que les mots, eux, s'empruntent, se passent d'une langue à l'autre, etc. Et c'est justement l'erreur de Saussure en linguistique, c'est justement d'avoir pris les emprunts des mots pour une preuve d'origine commune. Oui, c'est pas en philologie, c'est en linguistique, évidemment, dans toutes les questions. Là, je suis en train de vous éloigner un petit peu de votre sujet, mais il faut quand même préciser que vous avez derrière vous l'autorité de 4-5 papes. Alors, effectivement, c'est ça que j'avais commencé à dire tout à l'heure. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que beaucoup d'exégètes ou de théologiens, disons, considèrent qu'il ne faut surtout pas s'occuper de rapprocher la foi et la science, la Bible et la science, etc., parce que ça peut devenir dangereux, et évidemment, il y a le spectre de Galilée qui hante toutes les mémoires. Moyennant quoi, ça s'est encore accentué. On considère le cardinal Koenig qui disait surtout, faisons une sorte de séparation. Donc moyennant quoi, ça n'est pas gênant qu'il y ait des erreurs scientifiques dans la Bible, ça, puisque ce qui compte, c'est ce qui est de foi et de mœurs. Vous dites bien que non. Les papes n'ont pas dit ça. Cette distinction a été condamnée. Oui. Par Léon XIII, par Benoît XV, par Pie X, par Benoît XV et par Pie XII. Et Pie XII, même, c'est dans Humanis Generis, il rappelle cette erreur maintes fois condamnée, selon laquelle l'inhérence biblique ne s'étend qu'aux questions de foi et de mœurs. Donc on a une tradition officielle de l'Église très très forte pour dire que, à partir du moment où la Bible est un livre inspiré par Dieu, qui est à la fois le créateur des choses et l'inspirateur du livre. Il n'y a aucune raison qu'il y ait de contradiction entre les deux, donc il ne peut pas y avoir d'erreur dans la Bible. Et puis vous avez 98% des théologiens et des professeurs de séminaire qui enseignent, en toute bonne foi d'ailleurs, en croyant sauver l'Église, la vérité scientifique de l'Écriture n'a aucune importance. Eh bien, écoutez, je crois qu'il est temps. Malheureusement, nous n'aurons pas beaucoup abordé de points de votre ouvrage, mais enfin, tout de même. Véronique va nous rappeler son titre et surtout nous faire quelques annonces vous concernent directement, d'ailleurs. Les annonces en bref. Donc, il s'agit de La revanche du lièvre ou de La portée scientifique de l'écriture, un ouvrage de Dominique Tasso que nous venons d'entendre. Tasso s'écrit T-A-2-S-O-T, on ne sait jamais, un libraire qui... Et une préface de Mgr Brunero Gherardini. Gherardini, publié aux éditions Via Romana. Alors, les auditeurs pourront vous écouter lors du colloque d'Orsay, le colloque du Centre d'études et de prospectives sur la science, qui a lieu les 27 et 28 septembre 2014, à Orsay, à côté de... en banlieue parisienne. Pour s'inscrire... Il y a un téléphone, c'est le 01 70 25 14 45. Il faut demander Maxime ou bien laisser un message. Il y a également un courriel, cep.colloque, au pluriel, @gmail.com. Donc, colloque d'Orsay, le 27 et 28 septembre. Vous y prendrez la parole, de même que Didier Rochard, Pierre Hillard... Vous avez parlé des deux lignées dans la science. Alain Didier et quelques autres personnes. Et puis, je signale également le thème vers une civilisation chrétienne. Oui, j'oubliais. Voilà, c'est important. Et donc, je signale aux auditeurs que ce samedi 23 août, le docteur JM viendra signer quelques ouvrages à la librairie Notre-Dame de France. Pratiquement tous ses livres, d'ailleurs. Aussi bien sur la musique que sur les arts. Et l'équilibre mental. Donc, samedi 23 août, à partir de 15h environ. Vous avez de très belles signatures à ce colloque, Dominique Tasso. Oui. François Valençon, Hugues Petit, François de Séventhal, Pierre Hillard, Didier Rochard. Qu'est-ce qu'une radio chrétienne?